Le journal internet sud-coréen Jeju Sibo a condamné le vite les bombardements des Américains dans divers pays du monde. L'auteur indique « En 2016, les Américains ont largué plus de 26 170 bombes dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les gens du monde doivent savoir correctement qui viole maintenant la paix mondiale et quel pays précipite sans discrimination les peuples du monde à la mort. »